La maison est en bazar. En plus, on est super en retard. Tu sais, ça m'aiderait vraiment que tu te laves tout seul les dents. Mon chocolat est doux froid. Des cracottes, j'en ai eu que toi. Tu sais, ça m'aiderait vraiment de déjeuner plus calmement. Le cadran ne tourne pas, pareil pour toi et moi. Maman, on a le temps, je n'ai que 6 ans. On a joué à la bagarre et aussi à ton jeu bizarre. Tu sais, ce serait vraiment sympa de me laisser plier les draps. Tu veux jamais te déguiser, t'oublies mes dessins animés. Tu sais, ça serait vraiment sympa de t'occuper un peu de moi. Le cadran ne tourne pas, pareil pour toi et moi. Maman, on a le temps, je n'ai que 6 ans. Je t'ai raconté une grande histoire. Tu sais, ça me ferait vraiment plaisir que tu ne tardes pas à t'endormir. J'ai débarrassé la table, j'ai préparé mon cartable. Tu sais, ça me ferait vraiment plaisir que tu restes pour m'endormir. Le cadran ne tourne pas, pareil pour toi et moi. Maman, tu sais, on a le temps, je n'ai que 6 ans. Le cadran ne tourne pas, pareil pour toi et moi. Maman, tu sais, on a le temps, je n'ai que 6 ans.